Bob Power, you there? Yeah. We don't wanna be left behind. All we wanna do is... Salam alaikum, vous êtes sur Radio Hashisha, émission No Smoking animée par Hashisha. حلو غوجي ليظل بيغيب فراي وناغي وزوايا يحنين دور نكساغي سمي ظل يحنين دور نكساغي سمي ظل يحنين دور نكساغي سمي ظل قبر والداخل يجرح وذمي ما نصح مسخني ذمن وذمي ما نصح مسخني ذمن وذمي ما نصح مسخني ذمن Yeah. ثامورس كيمي فانا ذا السفان يا الوادي يكزر ذكي مموريس فلما ذا سيهنا ذقون فذو النحرا جرا كميس فورن يغلي الورقيس يا ثامورس كيمي فانا ذا السفان يا الوادي يكزر ذكي مموريس لما ذاسي هنا ذقن في ذل الأحرام جاكي ميس ورني غلي الورقيس جيطي جيما مس بين قارك مينو وكمي حيوز تفاليس الراوي مغرمة الزينة ضار يا الوادي مذي زعث مسليس جيطي جيما مس بين قارك مينو وكمي حيز ففافيس الراوي مغرمد الزينة ضار يا الواذي مذي زرع ثامسنيس يا ثامرثك مفنن ذا الصغار يا ثامرثك مفنن ذا الصغار ثامورث اش يدي قيمن ثامورث يدي قيمن غير على صفر دونك رزقي قريم بور راديو حشيشة سور ليميسيون نو سموكين نيميرو 6 دونك سي اون بيل شانسون دان جون شانتور الجيريان كابيل ان فيت اي شانت لو باي كي ا تيلمون سوفير اي شانت الجيري كي ا تيلمون سوفير اي سي فري كو نوتر باي اي باسي بار تيلمون دو سوفرانس. On était l'autre fois en train de discuter de ça sur nos vidéos YouTube. Tu sais, les Algériens là qui sont sur YouTube et qui font des vidéos et tout ça. Et on essayait de comprendre un peu d'où pouvait venir en fait toute cette violence qu'on sent comme ça dans notre société et tout ça. Pardon. Et en y réfléchissant un peu, ben finalement il y a beaucoup d'explications à ça, je pense. Rien que dans l'histoire très très proche, je remonte pas, je vais pas remonter très loin, mais juste remonter à la guerre d'Algérie qui n'est pas très loin en fait dans l'histoire. L'indépendance on l'a eu en 62. On a vécu 7 ans de guerre, mais atroce, dans laquelle le peuple a subi des choses incroyables, qui continue à être là en fait. Ensuite, après l'indépendance, on a vécu sous un régime dictatorial dont les normes, en fait, interdiction de penser, interdiction de s'exprimer, des gens ont fait de la prison, interdiction de faire de la politique, interdiction en tout genre. La société, au lieu de s'ouvrir, de s'épanouir et tout ça, petit à petit, elle s'est enfermée dans des carcans comme ça, traditionnalistes. Moi, je suis pas contre la tradition, mais une tradition qui s'empare comme ça d'une société, moi, ça m'a toujours gêné. Je m'exprime, en fait, juste en mon nom, hein, bien sûr. Et dans les années 80, il y a eu la crise économique. 1988, il y a eu la grosse manifestation qui a fait basculer le régime algérien dans le multipartisme. Au bout de 2 ans entre guillemets, démocratie, la guerre civile éclate parce que finalement le régime en place n'est pas apte à accepter l'alternance et tout ça. Puis les islamistes aussi qui voulaient limite s'emparer du pouvoir presque par la force. Donc disons que le peuple algérien a été encore une fois piégé, mis entre l'enclume et le marteau. On a plongé dans 10 ans de guerre civile. Jusqu'en 1998-2000, pratiquement la guerre civile, elle battait son plein. Beaucoup de morts, beaucoup de massacres, beaucoup de violences, mais extrêmes, hallucinantes. Depuis, on essaie d'en sortir. Depuis 2000, on essaie d'en sortir, mais on n'en est pas, on n'est pas au bout du tunnel, puisque les attentats ont continué. La violence sur le peuple a continué avec la dictature. Les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Bien sûr, on dit souvent que l'Algérie est un pays où le peuple il peut s'exprimer. En fait, non, tu peux toujours t'exprimer dans ton quartier et tout ça. Mais vas-y, t'exprimer à la radio ou à la télé. Personne ne passe à la télé, si ce n'est monsieur le président et ses porte-parole, ou bien les gens du clan du pouvoir qui ont le droit de s'exprimer. Sinon, les médias lourds, personne n'y a accès. Et donc, avec tout ça, avec tout ce renfermement, ben, la société algérienne produit de la violence, effectivement. On se retrouve à vivre très mal, la misère bat son plein et tout ça, mais donc voilà, qu'est-ce que vous voulez. Pauvre Algérie, j'allais dire, les gens ils sont devenus fous, d'autres sont devenus kamikazes, d'autres sont devenus haraga, d'autres ont fui l'Algérie depuis des années. Et bien sûr, à mon avis, personne ne le fait de gaieté de cœur, ne quitte son pays de gaieté de cœur. Mais les gens étaient obligés de partir et tout ça. Donc c'est ça le cas de l'Algérie en fait. C'est ce que un peu chantait la chanson qu'on vient d'écouter de Rizqi Grimm. Et je vous laisse avec un autre jeune groupe algérien qui s'appelle Mass Fusion. La chanson c'est Anazor, Mass Fusion, Anazor. Check it out, yo. Come on, I will check this out, yo. while I live in room where everything you see. I reason for the very first time away from my family and friends. I feel it and real and from my real me. Sometimes I wake up and I feel the corridors, the walls all closed, and I feel nothing. I feel bored. I feel the silence of my mood. I feel the silence of my head inside my damaged soul. So I grab my guitar and start just playing. And maybe sometimes I feel like I'm raging against what I call my bed. And I guess what I call in my friends. I love to be alone every time I feel the silence. I feel it. I just come traveling alone and alone and alone and alone. I feel the soul. I feel the song coming down. I feel the soul. I feel the soul coming down. I feel it come breaking me around like a quick pick, grabbing me inside. It's just like a quarrel inside my soul, a quarrel inside my mind. Every time I feel the limits of my voice, I begin just singing along, and I feel that everything's got an end. I'm asking myself why. Oh, why does it have to end? And see all the voices coming down at me and saying, baby, you're gone. Oh, you're gone. Oh, you're gone. You're gone. Mass Fusion, ça vous plaît les Jones? Donc un groupe d'anciens étudiants de l'université de Béjaïa. Là j'ai devant moi un petit extrait d'une interview faite par la dépêche de Kabylie qui posait en fait quelques questions qui ont 10 ans. Je vais vous lire juste un petit extrait. La dépêche de Kabylie donc pose la question. On commence d'abord par le changement d'appellation de votre groupe qui est passé de Massilas à Mass Fusion. Pourquoi donc ce changement? Ali Tizouyar, un membre du groupe. Ce n'est pas un changement d'un simple fait du hasard. Cela s'est fait depuis que Menzo, un étudiant d'origine mozambicaine, a rallié notre groupe et que Massilas s'en est trop berbère primo. S'ajoute à cela la fusion de différents styles musicaux dans nos chansons et ça a découlé sur Mass Fusion. Justement, en quoi consiste cette fusion? Ben, musicalement, notre tendance est un mélange de plusieurs styles, reggae, rock, blues et rap, imprégné de traditionnels algériens, kabyle, tergui, chaoui, etc. Et pour ce qui est de nos textes, il raconte la culture, l'amour, l'espoir, la vie, quoi. Et ça s'appelle Mass Fusion. Allez courir, acheter leur album. Ça s'appelle Mass Fusion. Un jeune groupe algérien à suivre de près. Pour continuer dans la musique moderne algérienne un peu, pour un peu évacuer le mauvais sort comme ça qui nous tombe dessus, nous les Algériens. Je rigole. Je vous passe un chanteur qui s'appelle Mohandou Ali, un des pionniers de la musique moderne kabyle. Il était en fait membre du groupe Imazir Nimoula de Farhath. Ensuite, il a commencé à faire des chansons, des albums en solo depuis les années 80. Sa musique est très jolie, donc je vous laisse apprécier. On en rediscute si vous voulez après la chanson. Tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Chicha, émission No Smoking. Animé par Hachicha. Merci d'être là, ya l'hbab. أقول من زولت في السلطة مطوتي وعزيزة، فا ثقي صفرت ثمن زثمت سرقي قيف السر وسلت مي ظفار نشبن دي ثمي قوب ومن ذي نغذى الشديقي من حش وليميس ديني غسل من كمي مدكالي وذمي ولي انتي الفضاء يلح فكرني ضار نوثي لك انت ازم تذك ولما يصبح ميد اللي غلني وتمقرني دير وسال لا شو ميدي جان ذاقين اثهويني دين غال تمني غاذا قول غدي سميو يثبرت سردان الدوم أكم سبي مغسيدي سوين ضرانا ذا متحكو السمن زود ابن فذو ما يرقزي وعزيزة ونسعى النولس غزر له ذو ريشة ذا فقرحة يضوداني ورقاقيني مقارة ثغراتي عقل غيري يزين تسمى لا يغضى فوسي الخباري قزل نذي ثمرت يزلو لدك وخامي لنسكم الدنيا وثمش الميولش لخباري أنا غيغي أنا غانا دامش ذيقي غد الجنف زين والفلاشي لا يحبش الجدو يداذ وضاري تمني غذا قول غذا زراب صدور غيث مقرطيش أشد على قغفتي قشر نادي تحكو ظلا غفيني وعزيزة تولي غريدي وغزف حش القاضي غيس ذو كلا من ذا الغلنا دمك تيغو السنين سعدك تضغي دم السدي ضد وينيدي دي صاحا جاك وذك ويقي تنضي دم الأمير ذا مجمع مبريدة قيمين رجني سقرا يسير ذا حذري ماني حشك ما يدي قيمة ما ذيم ذي غي غلي لجهدي ينكواري رفدا تمني غاذا قول غذي سام يثغرت سردان الدوب أكم تفاغ جري غلني رسانا ذا زودي الشث وما يرقزي وعزيزة زاك دي ثرقي تلعشة الظلط غير ويثي موتة تو غشي نسي مطي وقد غضاري بك نطلة يرثرقي الثوس دغور مس وفاتك النظام جاك وذك ونشت نفر طلافي غدي قيمة تيرني إذا نخذ من جمعة طاسق صغارة أذري ذا تعرى الشثوة كي هدرني مغارة التريحي نور جاث مرة انت تغيل تاكد يفكى تمني غاذا قول غذي سام إثارت سردان الدور عيش غريغة في ذمارني رسانة ذا ثنتسو مستقر انت فسوتك كثام الدي ثواس فشد ورقه جازف ثبور ثبور يقف عروس الواس الشعاغ في ذمار النصصي شرق في يمين شمل لك ومدنا فزرنا فرحنا السيمي دي السين يحكي الدين فثلي سما واليقراد لفوشي اشتعق وذكوان اشتذى الشمي قضان ذاقي يبغض يضيفنا كوضا يفضر ضر تزيري يتسوس متزيري يضوان ثم الطوث يسذق ربي اشي قوفا ذيك شيويس تفرث النيس دي ورا اشي ثوفا ذي لجيف السفرتيني ذا استرى C'était Mohand Ouali, j'espère que vous avez aimé. Donc pour Radio Chicha, je vais vous balancer un très beau titre qui s'appelle Thayri. C'est du jazz algérien, jazz kabyle, et c'est d'un jeune chanteur qui s'appelle Hafid H. Hafid H, auteur-interprète, kabyle de naissance, adopté par le milieu du jazz, guitariste émérite, s'installe dans le paysage world français. Son répertoire emprunte des chemins métissés, oscillant entre tradition et modernité, paysages latino, occidentaux et algériens. Son premier album, Élégant Berbère, symbiose originale entre swing mélancolique et balade ensoleillée, en est l'illustration parfaite. Une musique pleine de vie et de douceur. C'est à la croisée des cultures musicales improbables que se loge audacieusement le guitariste-compositeur, auteur-interprète Hafid H, avec cet album au métissage inédit et élégant. Originaire de la province de Kabylie en Algérie, où il maniait déjà le mandol, guitare traditionnelle à deux cordes du Maghreb, Hafid est venu rejoindre son père installé en France et en même temps découvrir une nouvelle famille, le jazz. Là, ses rencontres musicales nourrissent de nombreuses jam sessions et de concerts, en solo, en duo ou en trio avec Serge Mam et Gérard Carucci ou Nicolas Richard, lui ont confirmé la voie à prendre avec sa guitare au service d'une musique jazz de plus en plus passionnée. Un extrait de ce qui a été écrit sur lui sur internet. Donc c'était un ancien programmateur, animateur de Beurre FM qui a commencé à faire ses super albums en fait de musique algérienne en fait d'inspiration jazz. Moi j'aime beaucoup, je vous laisse apprécier. Vous me direz ce que vous pensez de cette musique. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions bien sûr sur radiochicha.com. Say Hafid H, vous avez aimé Ya la jeunesse. C'était donc Hafid H pour Radio Chicha, émission No Smoking numéro 6, enregistrée le 9 mars 2008. Je vais vous laisser, les amis, avec les programmes de notre radio et nos antennes. Je vais vous balancer un dernier morceau, DJ Maui Africa. Donc c'est un jeune groupe de musique moderne, rock, gnawa, fusion et tout ça. Un groupe qui est un peu dans la mouvance de Cheikh Sidi Bémol. Donc moi j'adore, sur Radio Chicha nous sommes fans de tout ce qui est Cheikh Sidi Bémol et son univers musical. DJ Maui Africa, moi j'adore. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle Mama, si je dis pas de bêtises, sorti en 2008. Il vient juste de sortir donc. Je vous laisse écouter. Donc vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur radiochicha.com, tout attaché. Vous pouvez faire vos commentaires, nous poser vos questions. Thank you. صحرا جينا بكم تلاقينا نطلبوا السلام وردوا السلام صحرا جينا بكم تلاقينا نطلبوا السلام وردوا السلام اي يا رسول الله are you there? Yeah. We don't wanna be left behind. All we wanna do is